tous les jeudis de 20h à 22h, le Rock Alternatif Show. Le meilleur du son avec Manu sur Stone Rock Radio. Salut à toutes et tous, c'est Manu. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque jeudi pour un nouvel épisode du Rock Alternative Show. Cette semaine, vous allez découvrir qu'à deux, c'est toujours mieux, avec le meilleur des duos, c'est-à-dire des groupes à deux musiciens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avec les Nantais de Kokomo et leur Technicolor Life, je vous propose une exclusivité. En effet, si le microcosme du hard rock français vous est familier, vous connaissez sûrement le groupe breton Dev Brood. Et nos amis nous offrent un superbe cadeau en ce jeudi soir, puisque vous allez découvrir en exclusivité leur nouveau single, Party Girl, qui sort demain. Alors installez-vous bien, bougez les meubles et poussez le volume car c'est du rock bien velu. We'll be right back. Waouh, c'est bon ça, hein? C'était Kokomo avec Technicolor Life, extrait de leur premier album du même nom. À noter que le duo composé de Warren au chant et aux guitares et de Kavin aux machines et à la batterie a récemment sorti son deuxième effort, Lemon Twins. Un album au son puissant, implacable, qui déborde d'énergie et nous entraîne dès les premières notes dans l'univers très rythmé de ce duo rock explosif. Et auparavant, c'était le groupe Def Brood que nous remercions à nouveau de nous avoir proposé cette petite exclusivité vraiment, vraiment sympa. Alors merci Julien et tous ses potes, on les retrouvera très vite dans le Rock Alternative Show. Nous allons maintenant enchaîner avec Local H, qui est un groupe de rock américain formé à l'origine par le guitariste et chanteur Scott Lucas, le bassiste Matt Garcia, et le batteur Joey Daniels et le guitariste principal John Sparkman à Zion en Illinois en 1990. Les membres se sont tous rencontrés à l'école secondaire en 87 et ont formé le Local H des années plus tard. Ils ont connu le succès, mais suite à différentes brouilles, il n'en est plus resté que deux. Et ils ont connu le succès avec Bound for the Floor, extrait de l'album As Good As Dead en 1996, qui a culminé à la cinquième place du classement américain Alternative Billboard. Selon des sources concordantes, le nom du groupe provient de la combinaison de deux chansons de REM, Old Fellows Local 151, et Swan Swan H. On va donc s'écouter le nouveau single de ce désormais duo, Patrick Bateman, du nom du personnage de trader tueur en série créé par Bret Easton Ellis dans American Psycho. Ensuite, nous poursuivrons avec les Britanniques de Castles. Ce power duo originaire d'Oxford est composé de Jim Beck à la guitare et au chant et de son frangin Loz Beck à la batterie. Nous avions eu la chance d'assister à leur set à la cartonnerie de Reims il y a 2 ans, alors qu'ils étaient encore inconnus. Et nous avions été séduits. Quasi inconnus pour le moment, ils coûteront peut-être parmi les plus grands groupes du monde d'ici quelques années. C'est en tout cas ce qu'on leur souhaite. Grâce à eux, en tout cas, ils écument les scènes de tous les bouges crasseux d'Angleterre et ça dépote. C'est dans l'un d'eux que le jeune réalisateur champenois Rod Huard les a croisés. Fasciné par l'énergie juvénile du groupe, il les a suivis partout pendant 1 an. Son documentaire, baptisé « Is This Punk Music ?», brosse le portrait touchant et sensible d'un jeune groupe en train d'éclore en même temps que celui d'une histoire fraternelle. Une enfance morne, dans une ville sans intérêt, des parents divorcés très tôt, mais un père mélomane qui les abreuve de musique. Baigné du rock fiévreux et abrasif de Castles, le film souligne les doutes intimes et les questionnements qui habitent ces deux musiciens. Pas tout à fait adultes, plus vraiment enfants. Frères de sang et de rock'n'roll, ils proposent une écriture candide, mais une belle rudesse musicale. Une fraîcheur juvénile, mais une fièvre rageuse et nerveuse. Un peu à la manière des Magnetics que nous écouterons ensuite, guitare dissonante, fuzz au supplice, batterie en souffrance pour une transe rock'n'roll primitive et sauvage. Log Vibrato et Eggy Sonara, couple à la ville comme à la scène, nous confirment qu'avec leur album Drogue électrique, Magnetics reste, avec les Ossies ou Ty Segall, l'un des outsiders les plus crédibles de la scène garage internationale. Titre en français dont le tubesque « Drogue électrique » ou « Comme des bêtes », pulsion psychédélique qui rappelle les Seeds, réminiscence crotrock et rythmique tribale faisant penser aux Cramps, se télescope dans un fatras jubilatoire. C'est ce que je vous propose de découvrir avec ce « I drink but my guitar does not » avec lequel ils restent fidèles à ce garage moite et rampant devenu la marque de fabrique de leur label « Born Bad Records ». Et nous terminerons cette séquence avec le groupe canadien The Pack Eddy, qui est sorti de nulle part avec son rock garage citoyen et engagé. Hey! equals ecstasy was particularly stirring speech on the inner workings of agricultural policy. Some sickly side parting in Savile Row finery doesn't really do it for me. To be honest, I'd rather play Call of Duty or something. Turn off the news and illegally stream the latest blockbuster hit. Can't miss this sick television series. With this, the last back-breaking camel straw, a slackened jaw and dead-eyed stare, we enter a new form of Huxleyan nightmare. We enter a new form of Huxleyan nightmare. C'était Yes I Know de The Pack AD. Nous allons rester au Canada avec cette fois un groupe originaire de la capitale de l'Ontario, Toronto. Le groupe de rock indépendant Death From Above est composé de Jesse F. Killer à la basse, au synthé et au chœur, et de Sébastien Gringer, au chant et à la batterie, et s'est formé en 2001, puis séparé en 2006 et reformé en 2011. Je vous invite à découvrir le single Train Wreck 1979, sorti le 8 juillet 2014 en préambule à leur deuxième album, The Physical World. Nous irons ensuite du côté de la capitale des Hauts-de-France, où nous attendent les boys de Château Brutal. Quoi, ça vous dit quelque chose, Château Brutal? Comment vous en dire quelques mots? Si on vous parle de Romain Lezaffre, vous allez tout de suite vous dire « Mais c'est bien sûr, c'est le blond des Hernadettes !» Eh bien, sachez qu'il a aussi son propre groupe, Château Brutal, où là, il n'est pas du tout question de brasser de l'air, mais de faire du rock qui tâche. Et nous poursuivrons ensuite avec un autre groupe de rock indé canadien, de Vancouver cette fois-ci, Japan Droids. Formé en 2006 et composé de Brian King et David Prose, le duo qualifie sa musique de mélange bizarre de punk, de garage, de rock'n'roll, de blues, de grunge et de rock classique. Avec tout ça, si c'est pas bon, plus classique, les Britanniques de Slaves. En effet, quoi de moins original pour une formation punk que de dénoncer l'asservissement d'un peuple à une société aussi globalisante que restrictive? C'est en tout cas le fer de lance du duo britannique Slaves, formé par Laurie Vincent, à la guitare, à la basse et au chant, et Isaac Holman à la batterie et au chant, qui en 2012, au cœur de cette charmante région pluvieuse, qu'est le Kent, au sud de l'Angleterre, ont créé ce groupe assez phénoménal. Sorte d'hybride ingénieux mélangeant les Sex Pistols et les White Stripes, leur musique à mi-chemin entre le punk et le garage rock bluesy se veut catchy et caractérisée par des riffs gras et des refrains accrocheurs. Slaves exploite les clichés inhérents au punk pour les porter au nu via des compositions influencées par le garage, comme dans ce The Hunter. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une petite perle, efficace et directe, à écouter d'urgence et en toutes circonstances.

are freezing and the water is warm and the ice caps are melting. What will happen when they're gone? Will the experts look stupid and invert the facts? Will they give you back your donations or keep the paper stacks? The feeling is mutual. You don't like what we do because we say what we are thinking, and that shocks and frightens you. The lion in the jungle shows no shame, it shows no pride. It does what it needs to stay strong and to survive, yeah. We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. It's useless and worthless. We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. It's useless and worthless. We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. It's useless and worthless. We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. You keep it, we don't want it. You keep it, we don't want it. You keep it, we don't want it. You keep it, we don't want it. C'était Slave avec The Hunter. Nous allons maintenant parcourir notre beau pays jusqu'en Gascogne pour aller à la rencontre de nos amis Laurent et Mathieu du groupe The Inspector Clouseau. Pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas, ces deux compères, ardents défenseurs du bien vivre et du bien manger, ont également une autre caractéristique singulière. Agriculteurs à temps plein, rockers globetrotters à temps partiel. En effet, ces deux rock farmers ont fêté en grande pompe les 10 ans de leur groupe The Inspector Clouseau avec la sortie de leur 6e album, We the People of the Soil, le 4 mai 2018. Un opus, celui de la reconnaissance, mixé par Mr. Vance Powell, le producteur de Jack White, des Raconteurs, de Clutch, des White Stripes, de Tina Riwen, de Sissix Steve, entre autres. Un opus qui fleure bon le rock et le blues de Nashville. Et pour prolonger ce beau projet, Laurent et Mathieu sortiront le 17 janvier prochain la version Unplugged de cet album, album acoustique donc, qui s'intitule Brothers in Idols. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la démarche de ce projet, je vous invite à vous reporter au documentaire et au bouquin de Romain Lejeune, tous deux intitulés Rock Farmers. En attendant, nous allons écouter l'un de leurs tout premiers morceaux, The French Bastards. Puis nous irons ensuite à la découverte de Moriarty. J'ai bien dit Moriarty, pas Moriarty. Moriarty est un groupe basé à Tesmouth dans le Devon, en Angleterre. Formé en 2011 par Jordan West à la guitare et au chant et Matthew Partridge à la batterie, le duo se décrit comme un groupe de blues sale. Ils ont sorti un album en 2014 intitulé The Devil's Child, le fils du diable, sur lequel figure le titre Jealous, que vous découvrirez tout à l'heure. Lequel sera immédiatement suivi par Star Quality du groupe de noise rock israélien Carousella. L'énergie que déploie le duo sur scène est assez phénoménale. Les plans de guitare de Tamar rappelant les vestiges de Led Zeppelin et le meilleur de Wolfmother, alors que Guy maîtrise sa batterie à la perfection, se jouant du sol glissant en la ramenant vers lui pendant les morceaux sans jamais perdre le rythme. Et nous terminerons avec les tauliers du blues, The Black Keys. Généralement, c'est à l'occasion du deuxième album que l'on jauge le potentiel d'un groupe. Or, cette catégorie très restreinte, formée par les duos blues rock américains, apparue à l'aune des années 2000, se trouve régie par d'autres lois. Ici, c'est seulement avec l'arrivée du cinquième opus que la crise existentialiste pointe. On creuse son gisement bien profondément pendant 4 disques avant d'aller jeter un œil en dehors de sa galerie, fort d'une rythmique jouissive, tout en emballement et en brusque décélération, comme sur ce Strange Times, l'album Attack and Release permet à Dan Auerbach de décrasser sa voix inhumaine tout en hantant l'esprit de l'auditeur grâce à ses riffs assurés et minimalistes, sarclant avec une violence superbe dans l'héritage blues. Le chant profond et habité, les tempos entêtants, exactement les fondamentaux qu'explorent les Black Keys depuis leur premier EP. Suits coming from the red one, high attitude, yeah. They've been moving all the time, visiting the world, they have not got the blues. They've been fighting all the time, make the world change, we really hate to lose, yeah. They've been talking all the time to make the world move, not got the blues, yeah. They've been making a fool, could be down the world, very smooth and rude, yeah. They've been kidding me, yeah, but in the regular world, they don't like to lose, yeah. The Ruby attitude, yeah. They've been loud all at night, smiling for some ride. Don't like to lose. They've been making a fool, cool, be done, world, very smooth and rude, yeah. They've been killing it, yeah, but in regular work. Visiting the world, we have not got the blues, yeah, yeah. We've been meeting people, bringing the red one, that's the Ruby attitude. We've been like one at night, fighting for some right. Don't like to lose, yeah! French bastards. Motherfucker like me. Oh honey, waiting for a dog on that beat, just motherfucker like me. Pretty for a dog on that beat, jealous motherfucker like me. Thank you. Stone Rock Radio. C'est bon ça, hein ? C'était Strange Times des Black Keys. Nous allons maintenant poursuivre avec le groupe de sludge metal américain originaire d'Athens en Géorgie, j'ai nommé Lucifer. Créé au début des années 90, leur style musical est fréquemment décrit comme un mélange de Portishead, de Black Sabbath et des Melvins. Vous nous donnerez votre avis à l'écoute de ce fight song. Puis nous enchaînerons avec l'un des duos les plus célèbres du rock actuel, Royal Blood. Inutile de vous présenter ce duo britannique mythique, mais ce qui est certain, c'est que nous attendons impatiemment leur prochaine livraison, qui sortira vraisemblablement courant 2020. En attendant, nous écouterons le titre Blood Hands, extrait de leur premier album éponyme en 2014. Nous poursuivrons ensuite avec d'autres Britanniques, mais de Liverpool cette fois. En effet, originaire de la cité des Beatles, James Whitehouse et Chris Thomason forment Rival Bones en 2014 et sortent un premier EP remarqué 3 ans plus tard. Une décharge sonique aussi puissante que sous évidente influence. En témoigne leur EP de 2018, Strange Fruit, dont est issu Beautiful Dangerous, single tout désigné qui emprunte au Black Rebel Motorcycle Club et à ses riffs graissés à l'huile de moteur. Nous retournerons enfin du côté de Bristol avec le titre An Animal de Blood Red Shoes, sorti sur leur 4e album éponyme en 2013 sur le label Jazz Life. Et si vous avez aimé leur passage au festival Rock en Seine en août dernier, réjouissez-vous, car Blood Red Shoes sera de retour dans la capitale le 12 novembre prochain à la Maroquinerie de Paris. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'y serai. Smile. Does she think me lost along the way? And please believe me if you can, I need to be a better man. But needed ones may fight another day. She's just a dying machine. She doesn't know what it means when she bleeds. Is it real or is it a dream? She's got that living. Oh, Nous allons poursuivre maintenant avec un groupe de rock belge issu de Dilbeek, The Black Box Revelation. Largement influencé par le blues américain et le rock psychédélique, le duo composé de Jan Paternoster à la guitare et au chant et de Dries Van Dyck à la batterie et au percu a déjà plus de 10 ans de carrière derrière lui et des milliers de kilomètres au compteur. Avec leur son au croisement entre R&B aux accents garage, Led Zeppelinien en passant par les White Stripes, The Black Keys et le Black Rebel Motorcycle Club, Black Box Revelation se révèle être la nouvelle place forte du blues belge. Nous allons écouter leur tube Tattooed Smiles, sorti en 2018 dans l'album du même nom. Et si vous êtes de passage en Belgique cet automne, vous aurez la possibilité de les voir sur scène le 25 octobre au Centre culturel de Charleroi ou bien le 13 novembre au Réflecteur de Liège. Nous enchaînerons ensuite avec le premier titre, Mots, de la nouvelle bombe de la scène rock française, les Lyonnais de Bandit Bandit. Couple à la ville comme à la scène, Maeva et Hugo sont entrés dans le giron du label de Last Train, Cold Fame, et ont même récemment ouvert la dernière journée de la première édition du festival La Messe de Minuit, organisé par les Boys de Last Train. À noter qu'un nouveau single est sorti il y a 10 jours, nous vous le conseillons. Et nous continuerons avec le Make Me Your Man du duo Heavy Blues Blackfeet Revolution, dont je vous conseille l'EP éponyme en attendant un deuxième album qui, selon nos informations, ne devrait pas tarder. Nothing I want. my truck, and I won't be set through it, so baby, let me be your gasoline, be the coal to fuel my fire, sipping for breath and smoke, take me higher every minute, and what it seems, won't you please make me your man? Oh là là, ça fait du bien par où ça passe tout ça. On va maintenant rejoindre la patrie historique du rock, c'est-à-dire Nashville, Tennessee. En effet, Jeff de Brotherhood est un groupe de rock américain originaire de Nashville et formé en 2001 par les frères Jack et Jamie Roll. Alors qu'ils sont encore lycéens, ils forment ce duo et se construisent au fil du temps une solide discographie. Pour leur 7e album, les frères O'Roll ont confié la production à Dan Auerbach des Black Keys. Baptisé Hypnotic Nights, l'album est publié par la major Warner Bros. Records en 2012. Dans cet album figure le titre Six Pack, que nous allons écouter tout de suite. Nous traverserons ensuite le pays de l'oncle Sam avec les Twig Birds, duo composé de deux frères venus de l'Illinois et qui ont décidé de mettre une claque à tout le monde en proposant un cocktail rock aux influences multiples. Les deux frangins ouvrent les hostilités dès le début de leur premier disque avec le gros stoner de The Future et ses riffs gras, lourds, puissants et très ancrés dans les 70s que je vous invite à déguster tout de suite. Avant d'enchaîner avec le duo indie-américain des années 90, The Spinanes, et son titre sorti en 93, Noël, Jonah and Me. Nous irons ensuite lorgner du côté des frères Eoin et Rory Loveless et leur groupe Drenge. Né avec le grunge et fan avoué des White Stripes, les frangins originaires du nord de l'Angleterre remontent le fil barbelé du rock engagé, avec leur solide discographie dopée au pop-song torturé à l'électricité. Mais quoi de plus naturel, puisque si le batteur du groupe se prénomme Rory, c'est bien évidemment en hommage au légendaire guitariste irlandais de blues, Rory Gallagher. Let's load the car up. I got a bag of ice. I got a six pack. We'll

Alors, je vous avais pas dit qu'il allait faire du bien ce petit Drenge. Nous allons maintenant profiter d'un titre du duo bordelais Blackbird Hill, qui est le subtil mélange de la douceur des grandes plaines, de la lourdeur du delta et de la robustesse des rochers. Imaginez-vous sur la route, le paysage défilant sous vos yeux, le vent vous caressant le visage. Vos sens en éveil, vous voilà à la découverte de régions sauvages. Le power duo, influencé par l'histoire du blues et la modernité des groupes de rock, met en musique ce que Jack London et Jack Kerouac racontaient si bien dans leurs livres, comme vous pourrez le constater dans ce To and Froth, extrait de leur album du même nom, sorti en 2018. Nous partirons ensuite à la rencontre de Brick and Mortar, qui est un duo rock indé fondé à Tom's River dans le New Jersey en 2008. Il se compose du chanteur Brandon Asraf, guitare basse et chant, et de John Tacon à la batterie, aux samples électroniques et au chant. Le duo délivre une pop rock alternative dont le résultat final est un plaisir musical incommensurable, comme vous pourrez le constater à l'écoute de son Train. Et ensuite, nous partirons à la découverte d'équipes de foot. Ils sont deux, Alex et Mike, portent des maillots de l'équipe de France de foot, font du garage parfois très noise, parfois très doux, et parlent d'amour ou des déceptions qui s'ensuivent. Tout droit venu de Bordeaux, équipe de foot joue sur une bonne poignée de terrain et construit son univers grâce à un patchwork de sons finalement très cohérent. Comme vous pourrez d'ailleurs vous en rendre compte si vous allez les applaudir au Trabendo le 11 octobre prochain, en soutien des bourguignons de Johnny Mafia. Parole de Stone Rocker, ça va saigner. Window from there you could see it all. Don't be afraid. afraid to reach it. Don't be afraid to fall. Respect the fact that everything you hate, your thoughts, your words, and everything you say defines you. Words for me to understand. Mais comment il fait pour boire son café ? Je sais pas. Alors, vous voyez que c'est pas si naze que ça une équipe de foot. Bon, maintenant que j'ai casé ma blague de merde, on va enchaîner si vous le voulez bien. Inutile de vous présenter le duo qui va suivre, tant certaines de ses productions sont célèbres dans le monde entier. Notamment Seven Nation Army, dont les 7 notes inaugurales sont utilisées par les supporters du monde entier pour crier leur extase. Mais si nous allons écouter un titre issu de leur album culte Elephant, sorti en 2003, ce ne sera toutefois pas celui-ci, mais plutôt un titre plus méconnu mais néanmoins excellent, Ball and Biscuit. Nous irons ensuite chasser sur les terres de Salford en Angleterre avec The Ting Tings et un extrait de leur premier album We Started Nothing en 2007. Nous enchaînerons ensuite avec les frangins les plus célèbres du rock actuel, The Lemon Twigs. Leur nom respire les 60s, une époque qui semble au cœur de la musique des frères Daddario. Entre rock vintage exacerbé et souffle rock'n'roll très actuel, ils n'ont pas fini de nous surprendre. Vous vous en rendrez compte à l'écoute de Small Victories, extrait de leur dernier album Go to School, qu'ils ont conçu comme une véritable comédie musicale, avec des transitions, des voix isolées, puis appuyées par des chœurs très présents et parfois un renfort de violon. Nous terminerons cette séquence avec le cultissime Kids de MGMT, mais et c'est vrai que 12 ans après son premier album, si MGMT sait encore faire parler la fougue, on aime toujours retrouver la candeur de Oracular Spectacular, l'album inaugural du duo brooklynois en 2007. Celle qui a fait le charme et la renommée de sa pop, portée par la voix d'Andrew Van Wingarden, chanteur à la gueule d'ange, et les bidouillages électroniques de son geek d'acolyte, Ben Goldweiser. Allez, retournons donc en enfance. I'm the seventh son. In the newspaper. ask your girlfriends and see if they know. That my strength is tenfold, girl. I'll let you see it if you want to before you go. Let's have a ball and a biscuit, sugar. Take our sweet little time about it. Everybody in the place to just get out. We'll get clean together, and I'll find me a soapbox where I can shout it. Yeah, I can think of one or two things to say about it. Listen. Thank you. Que ça fait du bien tout ça. Nous allons poursuivre avec un groupe à la réputation sulfureuse, mais dont je tenais absolument à vous présenter un morceau, Power Bottom. Si l'un des membres du duo originaire de Brooklyn doit actuellement faire face à des accusations d'abus sexuels, leur titre Answer My Text n'en demeure pas moins divin. Ce titre, extrait de leur second album Pageant, s'annonçait comme l'événement queer punk de l'année 2017. Si nous souhaitons bien évidemment que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé, focalisons-nous sur la musique en entendant d'en savoir davantage. Ensuite, je vous ferai découvrir les Parisiens de No Money Kids. Avec son chant blues teinté d'électro, le duo est composé du guitariste-chanteur Félix Casablanca et du compositeur, bassiste et sampleur J.M. Paltan. Fondé en 2013, No Money Kids est né entre guitare crade et sonorité électro. Depuis, le duo n'en finit pas d'être la révélation de l'année et ne cesse de nous enchanter, comme dans ce Take Me to Your Home. Nous poursuivrons ensuite avec deux institutions du blues, le Everybody Needs Somebody to Love des Blues Brothers et le Hate the Winter du vieux bluesman C6 Steve. Ce morceau jouissif, extrait du dernier album de l'Américain Can You Cook, est véritablement une petite merveille. Jugez plutôt. I sweat out 7 pounds in water weight, just asking for your number. When you gave it to me, I went home and waited a couple hours, like the magazines all told me. Then I sent you some emojis and a funny joke from that TV show you said that you like. And that was 8 hours ago, and now everyone I know is either fast asleep or staring. Tonight, on silent mode tonight. Well, you wrote me back eventually and took me to a movie. You said it was a date, but I'm not sure if you were serious. I act like I know what I'm doing and all my friends see through me. It felt so cool when we got home late and made my parents furious. But then you left again and I just felt confused and nerdy. My teenage angst will be with me well into my 30s. It always feels like there's something I don't know. And as I watch you drive away, I'm screaming out my window. Answer my text you did, or call me up and tell me that you're coming over. I'll clean up. My text you did. Maybe something I said before just wasn't right. Maybe your heart's on silent mode tonight. Stonerock Radio. Cause I'll never be alone. stop bleeding out your soul. Take me to your home. I'm your favorite song. Take me to your home. I'll never be alone. Yeah. on repeat now. Listen up now. Yeah. C'était Edda Winter de C6 Steve et Crazy Dan. Nous allons maintenant enchaîner avec le duo le plus fuzzy et le plus sympa de France, j'ai nommé les Catalans de The Liminanas. Après avoir ouvert la voie à une reconnaissance publique enfin méritée avec leur album Malamort en 2016, dont est extrait le titre que nous allons découvrir, El Bitch, leur talent irradie désormais pleinement avec leur chef-d'œuvre de 2018 Shadow People, et leur nouveau projet, en collaboration avec le leader du Brian Johnston Massacre, Anton Newcomb, et l'actrice Emmanuelle Seigné. Ce nouveau projet a un nom, l'épée. Ce vieux cinglé de Salvador Dali avait donc raison. La gare de Perpignan est bel et bien le centre du monde. Enfin, pas tout à fait la gare, plutôt le garage, et pas tout à fait Perpignan, mais l'un des villages environnants, Cabestany. C'est depuis ce sous-sol provincial tranquille que Lionel et Marie Liminana distillent leur fétichisme 60s et irradient les foules, par-delà les continents et les fuseaux horaires, avec un garage rock psychédélique teinté de flegme méditerranéen. Pour vous en convaincre, il vous suffit de vous rendre à la Cigale de Paris le 14 décembre prochain ou dans l'une des 10 dates de la tournée de l'épée en novembre-décembre. Nous partirons ensuite pour le Grand Nord. En effet, John Ossie est un duo rock originaire de Saltjöbaden, dans le comté de Stockholm en Suède, et est composé du chanteur et guitariste John Engelbert et du batteur et chanteur Oscar Ossie Bonde. Une multiple variété de styles musicaux apparaissent dans leur son, du hard rock au blues, en passant par le post-punk. Vous allez découvrir cela dans Man Must Dance. Nous partirons ensuite visiter les sujets de sa glorieuse majesté avec les punks de The Virgin Marys, immédiatement suivi du super groupe du chanteur des Arctic Monkeys Alex Turner et de Miles Kane, The Last Shadow Puppets. S'ils ont sorti un EP de reprises de chansons absolument déplorable il y a quelque temps, leur second album est excellent, comme vous pourrez en juger dans le titre « Miracle à l'Aigneur ». Ok. Un soleil a tombé par terre, brûlant comme à la moricière. À la surface de l'horizon, je contemple la situation. Je vois le ciel incandescent, le blanc du sable étincelant. Je vois passer le troisième âge, les obèses et les enfants sages. Sur la plage en ébullition, des glacières de compétition. Une profusion de pastèques. Des filles qui ondulent en chanclettes. Vêtu d'un maillot de panthère, j'ai pris mon allure de croisière. Allongé sous un parasol, je mâche des graines de tournesol. C'est l'heure où le long du rivage, les Allemands sont en nage. Voilà que commence le défilé. Des malabars en bijoutés. Dans l'air flotte un parfum étrange, d'eau de lavande et de beignets. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. We're the people, the lucky with the fragile bones, the ones sit and worry about getting too old. We're the people, the happy with the broken hearts, the ones who draw a picture and proclaim that it's art. But you, and you, and you, and you, you're just an animal developed into. You, and you, and you, and you, a monkey needs to dance, so do you. Fragile bones, the ones who sit and worry about catching a cold. We're the people, the happy with the broken hearts, the ones who draw a picture and proclaim that it's art. But you, you, you, you, you're just an animal developed into. You, you, you, you, a monkey needs to dance, so do you. You like to do it as a tally your own. You're in the jungle and the monkey's taking mine from your home. How many times do they have to tell you that it's perfectly fine for you to dance around naked when you're all by yourself? Cause you, you, you, you're just an animal developing too. You, you, you, you, a monkey needs to dance, so do you. people, the lucky with the fragile bones, the ones sitting worried about getting too old. You're the monkey in the jungle trying to find your place, the one who let the sunset bring a silicone and smile on your face. But you, and you, and you, you're just an animal developed into you, and you, and you, and you. A monkey needs to dance, so do you. You like to do it as a child, you're wrong. You're in the jungle and the monkey's taking mine from your home. How many times did he have to tell you that it's perfectly fine for you to dance around naked when you're all by yourself? Cause you, and you, and you, and you, you're just an animal developed into you, and you, and you, and you. A monkey needs to dance, so do you. A monkey needs to dance, so do you. In the end, it wasn't what I thought. Slipping through half of this. Oh, of the maze that you were stuck outside. Cover your eyes. Often the humble kind, but he can't deny he was born to blow your mind. Or something along those lines tonight. Tell him what you want. Ah, ça fait du bien ça quand même. Hein. Cette émission est maintenant malheureusement terminée. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans le Rock Alternative Show. On va se quitter avec le groupe de blues folk originaire de Brooklyn, She Keeps Bees, dont la voix de la chanteuse vous fera probablement penser à PJ Harvey. Mais aussi avec un petit avant-goût du Stone Rock Live de dimanche, avec le groupe rémois Brothers et sa pop ensoleillée. Quant à moi, je vous laisse avec le soleil des Brothers plein la tête, en attendant de vous retrouver dimanche soir à partir de 21h pour le Stone Rock Live, avec les sets d'Idols et donc des rémois de Brothers au Festival du Cabaret Vert 2018. Et je vous retrouve également jeudi prochain, même lieu. Même heure, pour une nouvelle édition du Rock Alternative Show. D'ici là, prenez soin de vous et soyez heureux. N'oubliez pas, la musique, c'est comme l'amour, ça se partage. Et si c'est trop fort, c'est que vous êtes trop vieux. Bonne fin de soirée à vous, à très vite, je vous embrasse. Bye bye! Searching for you all day long, girl, to tell you how to get your heart. I've been working on it all day long, girl, to let your eyes commit your mind. Yeah. trip all day long, girl, to make you proud, to make you smile. Checking in, check it out, all about you and I, girl. Thank you.